Lorsqu'on essaie un peu de voir la carte du golfe de Guinée avec tout ce qu'on a dit sur ce plateau, que c'est une zone extrêmement riche, vous l'avez aussi dit, mais on se rend quand même compte que c'est une zone où se baladent quand même hein, des navires, des grandes puissances aujourd'hui. Est-ce que décidément, au moment où on sait que de l'autre côté, en Afrique du Nord, on l'a vu récemment, je le disais, l'Algérie fait aussi des manœuvres avec la Russie. Au moment où la France ressort encore pour aussi faire des pareilles opérations. Est-ce à dire, peut-être demain, qui sait, on va aussi annoncer notre puissance dans la zone. Est-ce à dire quand même que cette zone aujourd'hui se retrouve au cœur d'une bataille extrêmement géopolitique, géostratégique, dans un contexte de guerre où les puissances, c'est la question que je disais, sont en train de montrer leur présence et leur grande capacité opérationnelle de contrôle de la zone. On ne dit pas. Elle est le grand enjeu de la géopolitique mondiale. Le golfe de Guinée. Bien sûr. Jonathan, il a dit d'une autre manière ce que j'ai développé tout à l'heure. Oui. Il est encore allé même dans certains détails même. C'est important pour les Africains de faire ce qu'on appelle la géopolitique des événements. Vous ne comprenez pas les relations internationales si vous mettez cette dimension dans l'analyse. C'est la géopolitique qui détermine l'action des États qui se respectent. C'est la géopolitique. Et dans la géopolitique, vous avez l'interaction entre les dimensions de la géographie, c'est-à-dire la maîtrise de l'air, de l'espace, l'air, du sol, des eaux, de l'eau. Vous avez cette interaction avec les stratégies militaires, les capacités de projection militaire. Et maintenant, le reste, c'est-à-dire maintenant la capacité vraiment de se doter des armes qui sont dans ce que je vais appeler en adéquation tactique et stratégique. Ça veut dire que qui vous permettent non seulement de dissuader l'ennemi, mais d'être à mesure de faire réfléchir par 4 ou 5 fois un État qui veut s'hasarder à vous attaquer. Ça s'appelle la puissance. Ça s'appelle la puissance. Est-ce qu'il se passe sur le terrain aujourd'hui? Ben, je suis en train de... C'est ça, qu'il s'agit. Je suis en train de vouloir dire que le golfe de Guinée, écoutez, il ne faut pas rêver, pour les Occidentaux, ça n'appartient pas aux Africains. Pour les Occidentaux, c'est un espace international. On vous le dira, mais c'est comme ça, c'est un espace international. Un doux euphémisme pour dire, c'est leur espace. Parce que la thalassocratie américaine, c'est-à-dire l'Amérique qui estime qu'elle est en droit de contrôler toutes les eaux maritimes du monde, elle s'organise comme ça. C'est le pays qui a le plus de bases militaires dans le monde. Et dans tous les champs géopolitiques du monde, dans tous les continents. La États-Unis. Vous croyez que ces bases militaires, c'est pourquoi? C'est pour dominer le monde. L'enjeu, c'est la domination militaire du monde d'abord. Domination militaire du monde, c'est un des aspects majeurs de la domination. Mais la domination militaire du monde, c'est important. Dominer. Et cette domination du monde suppose que les rivaux américains ne soient pas à hauteur des capacités militaires américaines pour contrecarrer ces plans. Vous allez voir qu'il n'y a pas de domination militaire qui ne soit pas concomitant d'une domination économique. Parce que la domination militaire suppose des capacités de dépenses qui reposent, n'est-ce pas, nécessairement sur un dynamisme économique. Peu importe la nature de ce dynamisme-là, ça peut être un dynamisme prédateur. C'est le cas, ça peut être, mais c'est ça. Les deux vont de pair. Ça suppose donc de manière fondamentale le contrôle des ressources stratégiques et leur, comment dire ça, leur maîtrise. Les matières premières du monde ne peuvent pas appartenir à ceux qui ne sont pas puissants. Je répète, les matières premières du monde ne peuvent pas appartenir à ceux qui sont puissants, même si c'est dans leur sol. Donc, la géopolitique militaire consiste à créer les conditions pour que les États qui ont les matières premières soient des vassaux. À défaut, doivent être des vassaux, soit des protectorats. Parce que si on ne contrôle pas les matières premières, la spéculation économique et financière n'est pas possible. Un État comme les Américains aurait des problèmes à gérer son complexe militaro-industriel si le dollar était une monnaie normale. Pour que le dollar continue à avoir son caractère spécifique et particulier, exceptionnel, Ben, il faut que le marché des matières premières soit sous contrôle. Il faut bien comprendre ce danger. Alors, pour revenir au sujet, Jonathan vous a décrit, il a fait une carte géopolitique de la menace qu'on appelle piraterie maritime. Vous voyez, à tout point de vue, ils aiment souvent mettre en avant les dynamiques autonomistes. Que oui, il y a des frustrations ici, des gens, on ne peut pas simplifier. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de dynamique autonomiste. Personne ne peut pas nier le fait que les frustrations sociales, par exemple, dans la répartition de la manne pétrolière au Nigeria, peuvent justifier des sortes d'irrédentisme. Mais une chose est qu'il y a des conditions locales qui créent des frustrations et même des mouvements qui peut même vouloir avoir des prétentions aux armées. Mais autre chose, c'est qu'un mouvement s'organise et devient pratiquement une puissance militaire qui défie les États. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, vous comprenez très bien que ces menaces-là sont organisées et sont structurées en vue d'obtenir des avancées géopolitiques, des gains, n'est-ce pas, de l'obtenir contre la vie des États qui refusent d'être des vassaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Au Cameroun, le Cameroun vit une pression depuis les années 82, et même plus après, de la part des États-Unis qui font tout pour avoir une base militaire au Cameroun. Un des enjeux même majeurs du conflit, soi-disant en basse-unie anglophone, là, c'est ça. C'est aussi ça. Il vous a parlé de la coopération camerouno-nigériane qui fait des avancées. Avec la route maintenant qu'on vient de construire là-bas, la ring road qui vient. Mais c'est les choses que les Américains suivent de très près. Donc, les Occidentaux suivent de très, très près. C'est-à-dire que le contrôle du golfe de Guinée avait un pays qui en est pratiquement à l'entrée, c'est le Cameroun. Vous avez à côté le Nigeria. Vous regardez le Gabon, vous regardez la carte. Regardez le Gabon à côté. Vous regardez à côté, il y a la RDC. À l'heure actuelle, ce pays-là, ont compris qu'ils doivent fusionner dans le cadre d'une nouvelle communauté économique qui va avoir un nouveau nom. Si ces pays-là fusionnent, la RDC entre à l'intérieur, vous croyez que le Nigeria va faire quoi? Le Nigeria va être devant un problème géopolitique majeur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle fait devant l'émergence d'une puissante communauté économique qui est à côté d'elle, juste à côté d'elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Sera obligé peut-être de basculer d'après certaines choses. Ben, vous croyez que quand vous faites tous ces plans-là, les Occidentaux vous regardent, ils rient, les Américains qui vous regardent, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent. Tout à l'heure, il vous a parlé de la concurrence chinoise. Maintenant, il va aller même plus loin. Il y a un problème en Ukraine. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les jours, les mois, les années qui viennent, ça va être un séisme géopolitique. C'est-à-dire que la défaite de l'Occident qui est déjà programmée en Ukraine va déboucher sur une remise en cause du principe géopolitique fondamental des États-Unis qui a organisé le mouvement géopolitique des États-Unis depuis bientôt près de 300 ans. Ils appellent ça le Heartland, la Heartland, l'Eurasie. L'Amérique n'est plus sûre de contrôler l'Eurasie. L'alliance russo-chinoise ne peut pas permettre aux Américains de continuer. Leur plan eurasiatique, ils doivent le revoir. Mais quel est le lieu mécanique de compensation? C'est le plan géopolitique. Mais c'est le golfe de Guinée. 8% des réserves mondiales qui provient. 8%. C'est très petit. C'est petit. C'est petit. C'est ce qui est déjà. Si on parle de terre, donc c'est petit ça. C'est pour s'amuser. C'est-à-dire que mécanique, c'est clair. Et pour peut-être en deux phrases pour sortir, parce qu'il faut comprendre la deuxième thématique. Le président Badakani, quel aujourd'hui, et ça c'est l'autre volet de ma question, l'impact de l'entrée ou de la présence russe en Afrique dans tout ce mouvement qu'on essaie un peu d'observer dans la sous-région Afrique centrale? Mais les choses se voient. Vous n'avez pas eu les exercices conjoints algéro-russe? Tout à fait. Mais pourquoi c'est pas le fait du hasard. L'épicentre nord-africain, là. C'est un épicentre de concurrence géopolitique majeure. Alors, ceux qui avancent, là, c'est pour dire à la Russie que c'est notre terrain, n'avancez pas. Oh. Nous sommes déjà présents. Non, ça n'existe plus les chasses gardées, c'est fini. Ah, okay. C'est fini. Le c'est que l'espace nord-africain, là, pendant un bon moment, depuis qu'on a éliminé Kadhafi, n'est-ce pas, était un espace a priori contrôlé par l'Occident. Bon, ce qui mettait l'Algérie dans une situation un peu de minorité géopolitique inquiétante, de par son histoire. Mais l'Algérie rééquilibre la situation avec les Russes. Les Russes mettent pied dans ce qu'on appelle l'espace méditerranéen. C'est-à-dire l'espace. L'Europe appelle ça la Méditerranée, hein? Mais c'est un concept géopolitique. La Méditerranée, c'est un concept géopolitique. Mais les Russes mettent pied là-bas. Parce que vous, les Américains occidentaux, vous avez l'œil. Vous avez prolongé, vous avez poussé jusqu'à venir à moins de 500 km de la, c'est-à-dire que, des frontières russes. Vous pouvez braquer, c'est-à-dire la Russie est à portée de toutes les frappes. Si la Russie n'était pas un pays qui avait anticipé, mais la Russie est à portée de toutes les frappes de l'OTAN à partir du territoire ukrainien. Donc, en fait, la Russie, sur le plan militaire, n'avait plus de frontières. C'est très grave. La Russie aussi me dit que c'est clair et net, c'est-à-dire que désormais la compétition mondiale sur le plan géopolitique oppose ce qu'on appelle la puissance globale. Une puissance globale, c'est un pays qui a la capacité de se projeter dans tous les lieux de la planète. La Russie a cette capacité. Elle va mettre ça à profit. C'est ça le sens des manœuvres russo-algériennes. Alors, on peut descendre. Si le Maroc, qui est un, parlons comme ça, entre guillemets, rival géopolitique de l'Algérie, peut descendre pour devenir membre de la CEDEAO. Ça ne vaut de rien. Alors, mais la Russie aussi, qu'est-ce qu'elle peut descendre? Elle va descendre. C'est clair et c'est net. Elle aussi, elle descend. Elle descend parce que si mon ennemi descend, moi aussi, je descends. On va le retrouver bientôt. C'est ça les lois de la rivalité géopolitique. Aussi dans le golfe de Guinée. On va aussi le trouver. Mais on ne le trouve pas. Elle est déjà là. Mais c'est là en Centrafrique. Elle est là. Elle est déjà là. C'est le contraire qui aurait surpris. Les Chinois aussi sont là avec leurs ambitions. Donc on est désormais dans un champ géopolitique qui va se complexifier avec la notion d'alliance globale, n'est-ce pas, qui va supposer, n'est-ce pas, des alliances de nature globale entre les pays qui réussissent à avoir ce qu'on appelle un minimum de convergence d'intérêts sur le plan géopolitique et sur le plan économique et sur le plan des valeurs culturelles, certaines valeurs culturelles. C'est ce package-là, n'est-ce pas, qui va désormais orienter les alliances. Et pour les pays africains, historiquement, le bénéfice est clair. Parce que les nôtres ennemis ne sont pas les Chinois, ne sont pas les Russes, c'est l'Occident. Ils se comportent comme tels, ils se sont organisés comme tels. C'est comme ça qu'ils ont construit leur rapport à nous. Et le premier pas émancipateur, c'est de couper ça d'abord. Et pour sortir par là, pour les pays africains, alors, les gains, c'est quoi? La question, comment? Pour les pays africains, vous vouliez dire, leur gain, c'est quoi dans cette... C'est un gain qui permet d'équilibrer les relations géopolitiques. Voilà. Et la possibilité d'aller très loin, si les États africains sont futés, de régler la question de leur marginalité militaire, leur marginalisation militaire. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt des puissances, des autres puissances, des puissances rivales de l'Occident, ben, je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça, c'est d'armer les pays africains. Mais il ne faut pas aller loin, prenons des cas concrets. Regardez le Mali. Le Mali n'aurait pas pu s'en sortir tout seul dans les conditions actuelles sans ses alliances stratégiques avec la Russie. C'est ça. C'est évident. Qu'est-ce que la Centrafrique aujourd'hui? Sans la Russie. Sans la Russie. Sans cette alliance stratégique. Or, qu'est-ce qu'il est... Quel est le lien commun à ces pays? C'était des pays qui étaient colonisés par la France, dominés par la France. Ouais, comment pour sortir des griffes, c'est ça. C'est des alliances nécessaires pour un temps. Parce que même les États-Unis qui sont là, qui étaient la première puissance mondiale, font des alliances dans le cadre de l'OTAN. Si une première puissance mondiale fait l'arrivée des alliances, combien de fois nous font des alliances? Alors, je termine avec le Gabon. Jonathan a dit des choses extrêmement importantes, il faut creuser ça. C'est-à-dire que la situation du Gabon aujourd'hui, c'est un problème géopolitique pour la sous-région, le Gabon. Un problème géopolitique. Parce que, quel est son statut militaire? Est-ce que le Gabon est un prolongement militaire de la puissance française? Ou bien... C'est un État qui est capable de s'inscrire dans la dynamique des changements géopolitiques mondiaux et leur implication en Afrique centrale, en général, et dans la grande sous-région. C'est assez. Ce sont là des questions. Non, les questions là, ce ne sont pas seulement les questions. On a des réponses quand on voit. De quel président? Non, quand on voit la nature de ce genre d'exercice, les choses sont claires. Ce ne sont plus des questions. Ce ne sont plus des questions. C'est-à-dire que, je veux dire que des accords qui étaient valables hier ne sont plus acceptables aujourd'hui. Et si une sous-région est en train de prendre une dynamique, tout à fait. Et qu'un des pays membres de la sous-région reste dans le glacis des accords antédiluviens du passé, il pose un problème. Vous comprenez? Ça pose un problème. C'est pour ça que votre questionnement est très important. C'est une question qui paraissait anodine. Mais vous voyez que quand on creuse, il y a des gros enjeux à l'intérieur. Parce qu'il vous a bien dit la nature de ce navire de guerre. Vous êtes là devant un des fleurons, un fleuron du complexe militaire français. Ils n'ont pas beaucoup comme ça. C'est le numéro un actuellement. Vous comprenez? Ce genre de navire. Bon, dans un contexte où la France est dans une situation militaire extrêmement désastreuse en Afrique, où on est en train de faire partie de ses bases militaires, vous ne pouvez pas permettre qu'un État soit la base d'expérimentation de la nouvelle stratégie militaire française, pas, qui est une stratégie de dire que, mais écoutez, je ne laisserai jamais le continent africain. Bon, la France peut le dire, elle peut dire ce qu'elle veut, mais le rapport de force sur le terrain vont déterminer. Mais quand dans un contexte, vous avez dans une sous-région, comme le nôtre, où il y a une communauté économique, qu'on appelle la CEMAC, où il y a une fusion communautaire en vue, des États ont un minimum de convergence à définir. Des convergences géopolitiques, je dis bien minimum à définir, et à entretenir et à matérialiser par des points, comment j'appelle ça, par des opérationnalités qui sont claires sur le plan militaire. Est-ce que si le Gabon a le droit, en tant que pays souverain, de faire des exercices militaires, mais les exigences de la communauté l'obligent à ne pas les faire n'importe comment. On ne fait pas des exercices qui ramènent la sous-région en arrière, alors qu'elle a fait des avancées. Aujourd'hui, dans la sous-région, mon sœur se dit, on ne peut pas aborder la question de la menace de piraterie maritime sans tenir compte des avancées qu'il y a eu dans la sous-région en la matière. C'est ce que ça dit le vouloir dire. Pour le cas du Gabon, là, la démarche, là, ne va pas dans ce sens. Nous attendons de monter dans son analyse. Quand il est entré en profondeur dans cette chose. Je vous ai dit ici qu'il y a eu une conférence au Cameroun pour les questions maritimes. Des résolutions ont été mises en place. Il y a même un secrétariat de coordination. Ça s'appelle le code de Yaoundé. Très bien, qui a été mis en place. Tout à fait. Avec un chronogramme d'action précis qui était basé sur un ensemble d'avancées. Évidemment, la France était là, les États-Unis étaient là et tout. Très bien. Il y a un package global, parlons comme ça. Mais dans ce package global, les pays africains de la sous-région ont leur intelligence, ont leur démarche. Dans cette démarche-là, vous avez bien l'a dit, est-ce que, pourquoi le Gabon ne peut pas coopérer avec le Cameroun en la matière? Pourquoi il n'y a pas une coopération plus dynamique en la matière? Le temps que le Cameroun a fait ses preuves dans ce combat-là. Voilà. Est-ce qu'on fait ce type d'exercice sans tenir compte, par exemple, des enjeux monétaires? Des enjeux monétaires. L'enjeu monétaire, c'est un enjeu militaire. Hein. Attention, c'est un enjeu militaire. Tout à l'heure, il a dit que tout ça était lié. Vous ne faites pas ce type d'action, c'est-à-dire que vous ne tenez pas compte de tous ces enjeux-là qui se tiennent. C'est pour ça que je dis que c'était un très bon sujet. Qu'on décortique ça très bien. Des trucs comme ça sont anachroniques sur le continent africain. C'est désormais anachronique. C'est-à-dire que la France ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi sur le plan militaire en Afrique. On a dit départ des bases militaires françaises. Départ des bases militaires françaises, on va dire départ des bases militaires américaines. On va y arriver. On arrive. Et parce que les Américains sont en train de trembler, ils ne tremblent pas pour rien parce que pour nous, dans notre stratégie, nous sommes des stratèges. On attaque la France, on attaque aussi les États-Unis. Parce qu'il n'y a pas. La France ne peut pas partir pour les Américains, c'est impossible sur le plan de la géopolitique. Quand on a pris le dossier de la France en main, nous ne sommes pas nés avec la haine de la France, comme ils disent. Bon, si on pense qu'on l'aurait, c'est leur problème. Mais c'est notre ennemi historique. On a pris le dossier en main, et vous voyez à quel niveau ici on est arrivé. La question de base militaire française a été posée ici il y a 10 ans. Et nous avons dit ici, vous savez là, témoin, que les bases militaires, j'ai appelé sur ce plateau plusieurs fois, on n'est pas les bases militaires à l'époque. Je semblais être scellé. Mais j'ai fait ça, comme il disait, par la foi. J'ai dit que si vous voulez, vous allez partir. On est où? Les Américains, pareil. Pourquoi? Parce que la structure, le déploiement, la structure qui n'est pas. La structure qui n'est pas. Souvent quand on parle souvent, l'inspiration vient en même temps. Oui. C'est-à-dire que la structure non dite, c'est-à-dire les liens qui lient toutes ces bases, le complexe militaro-occidental. Parce que tout ça, c'est un schéma global, hein. Il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que ça paraît divers là, mais dans le fond, c'est un schéma global. Ils savent faire front ensemble. Toutes ces structures de ces bases militaires occidentales qui sont dans tout le continent africain, quelle est la nature? Qu'est-ce qui les lie? C'est d'éterniser l'esclavage des Africains. Tout à fait. C'est ça! Donc, toute dynamique géostratégique militaire en Afrique qui ne comprend pas ce paradigme fondamental de tout le déploiement militaire occidental sur le continent africain est une dynamique réactionnaire anti-africaine. Qu'est-ce qu'on regarde là comme le développement anti-africain? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le président Ali Bongo, il ne veut pas nous faire croire que tout ce qu'il a fait, c'est comme que il a réussi à établir un rapport de force entre lui et la France, qui le maintient au pouvoir. Ce n'est pas ça une vraie diversification des partenariats. On n'est pas de diversifier pour que Ali Bongo soit fort et pas le fort avec la France. Il faut sortir le Gabon du joug français. C'est pour ça que son appel est important. Le joug français là, parce que le Gabon n'est pas libre, c'est dangereux pour le Cameroun, c'est dangereux pour l'Afrique, c'est dangereux pour la RDC, c'est dangereux pour toute dynamique d'émancipation sur le continent africain. C'est pour ça que l'enjeu du Gabon, ce que je dis pas, c'est un enjeu à la fin communautaire. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup à vous. Afrique Média, le monde, c'est nous.